Madame Hulot jeta sur ce bourgeois calculateur un regard si fixe de terreur qu'il la crut devenue folle, et il s'arrêta. « Vous l'avez voulu, vous m'avez couvert de votre mépris, vous m'avez défié, j'ai parlé !» dit-il en éprouvant le besoin de justifier la sauvagerie de ses dernières paroles. « Oh, ma fille, ma fille !» s'écria la baronne d'une voix de mourante. « Ah, je ne connais rien !» reprit Crevel. « Le jour où Josepha m'a été prise, j'étais comme une tigresse à qui l'on a enlevé ses petits. Enfin, j'étais comme je vous vois en ce moment. Votre fille, c'est pour moi le moyen de vous obtenir. Oui, j'ai fait manquer le mariage de votre fille, et vous ne la marierez point sans mon secours. Quelque belle que soit Mademoiselle Hortense, il lui faut une dot. Hélas, oui, dit la baronne en s'essuyant les yeux. Eh bien, essayez de demander 10 000 francs au baron, reprit Crevel, qui se remit en position. Il attendit pendant un moment, comme un acteur qui marque un temps. S'il les avait, il les donnerait à celle qui remplacera Josepha, dit-il en forçant son médium. Dans la voie où il est, s'arrête-t-on? Il aime d'abord trop les femmes. Il y a en tout un juste milieu, comme a dit notre roi. Et puis la vanité s'en mêle. C'est un bel homme. Il vous mettra sur la paille pour son plaisir.